Moi je connais les lignes de ta main, la chaleur et la courbe de tes reins. Moi je connais l'odeur de tes cheveux, jamais je n'oublierai la couleur de tes yeux. Moi je connais le dessin de ton dos, la douceur et les frissons de ta peau. Moi je connais ton sourire amoureux, jamais je n'oublierai. Dans mes bras.